doctorante dentaire et affiliée au laboratoire d'Hyssen du CNAM. Donc moi, dans le titre là, qui est donc le titre qu'a proposé Jérôme, il y a quand même un certain nombre de sujets. Moi, je prends l'option de me concentrer sur la question de la centralisation des données et plus largement sur la centralisation du net. C'est-à-dire que je me pose un petit peu en amont du sujet HAL, accès libre en particulier. La question de la centralisation de toute façon des données du net est un peu agnostique par rapport à ce genre à ces données, à ces paramètres-là ensuite. Résumé par un fameux activiste de la décentralisation du net, Jérôme Zimmermann, qui parle du syndrome de la bibliothèque numérique, qui en langage assez fleuri dit « tout est gardé sur un gros ordinateur central en espérant que ça ne crame pas ». Donc c'est la question qui se pose ici, et finalement la question de HAL et de la centralisation des données, que ce soit en accès libre ou pas, c'est effectivement une forme de cramage, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe avec ces données centralisées. Donc voilà, qu'est-ce qu'on entend par cramer? Notamment, alors le premier sens auquel on va penser, c'est celui de la faille technique, les serveurs qui tombent pour une raison ou pour une autre, ou les données qui sont supprimées, etc. Donc là, on est vraiment sur une question d'hébergement des données et donc vraiment d'infrastructure physique. Ce à quoi tout le monde répond par des backups et des serveurs disséminés. Mais il y a une autre problématique dans cette question de la centralisation du net et de ce syndrome de la bibliothèque numérique, c'est l'infrastructure sociale et les questions de gouvernance qu'il y a autour de ces données. Donc la centralisation, ça touche ces deux aspects-là. On peut avoir autant de serveurs qu'on veut disséminer autant qu'on veut, s'ils sont sous une même autorité, on est dans une centralisation sociale forte. Et donc, je crois que là, la question qui se pose, c'est précisément celle de cette centralisation de la gouvernance, de l'autorité sur les données. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est l'hébergement, c'est les questions d'hébergement derrière l'accès. C'est pour ça que je dis que ce dont je parle là est agnostique en matière d'accès libre, accès fermé, ou peu importe. La question, c'est l'hébergement, qui est souvent un impensé derrière l'accès, précisément, parce que comme on a cette sensation, alors soit accès libre, donc accès gratuit, c'est une chose, mais même si c'est payant, on a cette sensation d'accès universel. Où qu'on soit, d'où qu'on soit, de quelques pays qu'on soit, de quelques navigateurs ou OS qu'on utilise, on a accès aux données. On a ce sentiment de données décentralisées. Alors elles sont décentralisées en accès, et qu'est-ce qui se passe derrière? Elles sont où? Elles sont hébergées? Techniquement, où et de manière sur le plan de la gouvernance, par qui, par quelle autorité. Et là, c'est là où la question de l'accès libre n'est absolument pas incompatible avec une très forte centralisation, même si en apparence, on a accès à tout. Je parle des GAFAM qui cachent la forêt, parce que si vous... alors, évidemment, les GAFAM sont un sujet traité, retraité, rebattu, et on n'a pas fini de le faire, et avec raison. C'est important. Le problème, c'est que je vous recommande de faire une recherche sur centralisation, décentralisation du net, sur les grandes plateformes d'artistes, comme SHS, etc., vous ne trouverez rien. Ou éventuellement, vous allez même réussir à faire sortir un de mes articles, et c'est à peu près tout. C'est assez effarant. Finalement, il y a une espèce de sujet qui a été discuté un petit peu des activistes plutôt du libre, mais qui sort très très peu dans les recherches en sciences humaines, en sciences de l'information, etc. Par contre, les GAFAM, on en entend beaucoup parler. Et donc, les GAFAM cachent la forêt de Minitel. Alors, j'emploie pas le terme Minitel par hasard. Je ne sais pas si parmi vous, certains avaient eu vent de cette conférence de Benjamin Bayard qui, je ne sais plus comment ça s'intitulait d'ailleurs, mais qui mettait en garde contre la centralisation du net pour que le net ne devienne pas un Minitel 2.0, c'est-à-dire un serveur et une multitude de clients qui reçoivent. Alors, un serveur, sur le net, on n'a jamais un serveur, mais pour une information donnée, on a souvent un serveur. Une forêt de Minitel, en quelque sorte. J'espère que j'ai pu comprendre relativement. C'est-à-dire qu'effectivement, à la différence du Minitel, on avait un serveur Minitel et tout le monde, avec différents réseaux, différentes adresses, le 3615, le je ne sais quoi, etc. Différents services, en fait, sur un seul serveur. Dans le web, on en a plein, des serveurs, on en a plein, des sources. Mais en général, pour chaque information, on a un seul serveur, un seul endroit. Par exemple, le quotidien que je vous disais en ligne, il est hébergé uniquement par le service de ce quotidien. Donc on est vraiment là dans cette dynamique de serveur unique, centralisé et client divers autour. Donc une forêt de Minitel. Ça, donc cette centralisation des données qui est assez peu discutée, on a vu un cas assez récemment, alors quand on parlait de cramer tout à l'heure, je reprends ce terme parce que ça fonctionne assez bien, il y a par exemple, cet exemple américain où il y a eu des chercheurs qui ont réagi à la tournure que prenaient les élections présidentielles américaines, les dernières élections présidentielles. Au moment, ils ont vu que des électeurs qui commençaient à qui s'approchaient de la ligne d'arrivée, et ils ont eu une petite inquiétude sur le cas des données de l'Environmental Protection Agency, sur lesquelles toutes les données environnementales des chercheurs américains étaient stockées. Et on était en effet dans le cas de serveurs publics, institutions publiques, serveurs publics, chercheurs du public. Toutes les données étaient centralisées dans une institution, donc sous une seule et même autorité publique. Un certain candidat s'approchant de la ligne d'arrivée, les chercheurs se sont un petit peu inquiétés de ce qui pourrait arriver de ces données. Suppression, fermeture de l'accès, modification, falsification, tout peut arriver. Et donc il y a des projets qui ont été montés, qui s'appellent notamment Data Refuge, qui ont cloné ces données sur des serveurs, notamment sur des serveurs canadiens, sous des autorités qui sortaient de l'autorité publique américaine. Alors légalement, j'ai pas creusé légalement la question, mais ça devait être assez rock'n'roll, si vous passez l'expression, parce que c'est quand même des données publiques de la recherche américaine. Mais là, donc, on a un bel exemple de données qui sont en sécurité et qui sont, alors, sur l'infrastructure technique, aucun problème. Il y a certainement des serveurs multipliés par 10, des sécurités, etc. Ça, c'est pas un problème. Sans doute disséminé pour que, en cas de réel incendie, il n'y ait aucun problème. Par contre, la centralisation sur le plan de l'autorité était très forte et il y avait un vrai risque. Donc ça, c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple aussi d'un pays qui est une démocratie et sur lequel on ne s'attendrait pas tellement à s'inquiéter effectivement des données, de l'usage qui peut en être fait, ou des restrictions d'usage qui peuvent en être fait. C'est le terme démocratie avec les États-Unis qui vous pose un problème. Ça sera l'objet d'un autre séminaire. A priori, donc, une démocratie dans laquelle on est censé pouvoir avoir confiance. Voilà. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que nos données, nous, en France, quoi qu'on pense effectivement aussi de notre démocratie, je crois qu'il n'y a pas de sanctuaire sur ces questions-là, des données, pour différentes raisons. Un changement de gouvernement, ou simplement, comme ça arrive, une façon de cramer, c'est aussi tout à coup une institution publique qui passe au privé. Partenariat public-privé, etc., ce genre de choses. Ça s'est vu, ça se voit, ça se verra demain, etc. Donc, cette notion de cramer, c'est vraiment tout ça. C'est tout ce qui peut arriver socialement, finalement, à des dépôts de données. Alors, le cas de HAL, j'y viens quand même pour montrer effectivement que de la même façon, là, alors, l'émission, je suis allée un petit peu rapidement, j'ai donné ouverte, volonté d'exhaustivité et effectivement mesures d'usage, enfin, mesures diverses, dévariées. L'organisation, alors, au niveau de l'infrastructure précisément, tous les serveurs sont au CNRS, à l'IN2P3, je sais plus combien il y a de serveurs, peu importe, en tout cas. Il y a des sécurités, tout va bien. Et l'infrastructure sociale, c'est également le CNRS. C'est un autre centre du CNRS. Mais là, pour le coup, on voit qu'on est sous une autorité unique. Bon, alors, il y a des labos différents parce qu'effectivement, il y a des spécialités. Hein. Tout le monde ne va pas s'occuper d'un parc de serveurs. Mais voilà, on n'a pas d'autorité tierce qui duplique ou qui est en charge de ces données. Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui va être fait de des mesures faites sur donc, ces données centralisées. Donc on a une institution, une autorité qui gère des serveurs qui sont sécurisés sur le plan technique, mais qui effectivement donc sur le plan social sont centralisés. Ce que je voulais proposer ici, ce sont des exemples, des réflexions sur des possibilités de décentralisation de ce genre d'institution. Parce que la question ce qui se pose, c'est comment on se décentralise sans forcément perdre ses compétences en mesure d'usage. Parce que ces mesures de données sont formidables pour la recherche, pour l'informatique. Donc il n'est pas question de s'en priver nécessairement. Alors, encore faut-il voir leur intérêt dans certains cas, mais c'est quand même des données de la recherche aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut à la fois conserver cette mission de mesure d'usage et en même temps penser à des infrastructures décentralisées? Et c'est là où je me déguise très rapidement une infrastructure dans laquelle on aurait des institutions diverses et variées, donc toutes celles qui, par exemple, publient, dont les publications sont déposées chez HAL, etc., où chaque institution ou labo hébergerait lui-même ses données et articles, les ouvrirait en clonage à d'autres institutions, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir une institution qui s'appelle HAL, qui veut avoir de manière exhaustive accès à ces données et à ces articles parce qu'on peut avoir besoin d'une exhaustivité ou parce que la plateforme offre tel ou tel service en plus ou voilà, on peut avoir besoin, envie, le projet de rassembler ces données. Pour autant, donc ces données peuvent être et chez l'éditeur en quelque sorte, qui est l'institution, le laboratoire de départ, et chez HAL, donc on a un clonage des données, et non pas simplement un versement sur cette plateforme, avec la possibilité, alors là, évidemment, la difficulté, c'est, mais oui, mais si je veux mesurer les données de consultation de manière exhaustive, il y a des consultations ici, et il y a des consultations chez l'éditeur. Comment on fait ? Surtout si vous multipliez ce clonage et cette dispersion des données par autant d'institutions et de laboratoires qu'il y a de recherche qu'il y a en France, parce que on peut étendre ça complètement. Ce qui se passe, c'est que, alors, je vais presque un peu vite par rapport à mes propres diapos. L'important, c'est d'abord que toutes les institutions aient accès à ces outils de publication, donc de mise à disposition en publication en consultation, de mesure et de fouille de données. Déjà, il y a un premier point qui demande à ce que, par exemple, les applications développées dans le cadre de ces dépôts centralisés soient accessibles à tous les labos et toutes les institutions pour que chacun puisse finalement monter sa propre instance de publication, de fouille, etc. Et à partir de ce moment-là, alors, si on veut ensuite rassembler des données de manière exhaustive, si elles ne sont pas toutes sur HAL, il y a une chose qui s'appelle des URI, que vous avez tous entendu parler et que vous avez vu tous, dont certains sont des DOI par exemple. À quoi sert un identifiant unique, sinon, à pouvoir aller repérer de manière certaine que tel document se trouve là, consulté là, là, là et là, et donc pour pouvoir moissonner et réunir les données d'utilisation, les données de consultation, etc., qui sont a priori, qui semblent éparpillées. Mais on a aujourd'hui, prenons l'exemple d'un ISBN, si on veut consulter, si on veut savoir si tel ISBN est consulté ici, ici ou ici, on ne peut pas se tromper de ressources. Un ISBN est unique. Le DOI est censé être unique et il y en a d'autres. Évidemment, il y a différentes normes d'identification. Donc, rien ne s'oppose à ce que les données soient multiplier, décentraliser en hébergement, que chacun gère ses données, qu'éventuellement il y ait un lieu où ça soit un peu exhaustif, et on a des protocoles, et tous les protocoles existent pour aller compiler ces données au besoin. Par contre, dans le cas, ce que j'ai écrit en bas, si un de ces labos est en désaccord avec l'usage qui est fait à ces données, le laboratoire X donne à HAL l'autorisation de venir moissonner les données qui sont sur sa plateforme à lui de consultation des mêmes articles, de fouille des données, et donc de compiler pour travailler sur ces données. Mais si effectivement il y a tout à coup cette question d'usage, alors là, effectivement néo-managérial ou autre, hein, on peut imaginer différents cas de figure, c'est pas compliqué. C'est le laboratoire original, l'éditeur finalement, a la possibilité de couper à HAL, à la plateforme centrale, l'accès à ces données. Il y a une autonomie, une décentralisation de l'autorité sur les ressources. Et autant il y a des protocoles qui peuvent permettre d'agréger, autant il est possible de couper ces protocoles et de dire non, je ne participe pas à cette mesure de compte. Auquel cas, voilà, après l'utilisation de ces données pour effectivement du, comment j'utilise ça, management académique, devient plus compliqué. On peut toujours extrapoler sur des données qui ne sont pas complètes, on peut toujours le faire, mais ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, alors. Les propositions, finalement, c'est d'en finir avec les plateformes centralisées, ces bibliothèques numériques. Alors, en finir selon le modèle de nous compilons chez nous toutes les données et toutes les sources. Et non pas, là, on peut imaginer quelque chose de centralisé, mais avec l'accord express, simplement par protocole, par web service, pas par possession des données, par centralisation des données. Favoriser évidemment l'appropriation distribuée des applications, et là on a un sérieux problème parce que les institutions et les laboratoires de recherche manquent considérablement de ressources informatiques pour pouvoir vraiment s'approprier ces méthodes, ces outils, ces méthodes et vraiment être fonctionnels. Effectivement, il est plus simple de tout donner à HAL ou de tout donner au Cléo qui fait le travail, qui fait machin, parce que personne ne sait comment faire ses revues, publier ses revues sur ces trucs, etc. C'est compliqué, il y a un travail qui est très important, qui demande quand même une expertise informatique, numérique forte, que tout le monde n'a pas les moyens de développer et d'avoir chez soi, les labos, je veux dire. Donc effectivement, donner des moyens informatiques forts aux institutions, labos de recherche. Effectivement, toutes les technologies existent, et aujourd'hui, il y a des technologies, on est dans des technologies qui ressemblent au peer-to-peer, qui ressemblent à la fédération d'information, au clonage, etc. Donc, toutes les technologies sont disponibles. Et c'est à cela que devraient servir les URI, qui ne servent pas du tout à cela, et même, on en parlait, vous et moi sommes d'accord, ce qui me réjouit, les DOI, c'est même encore très centralisateur, tel que c'est conçu et utilisé aujourd'hui, c'est hyper centralisateur. Alors que ça pourrait précisément être la base d'une forme de décentralisation, même une décentralisation assez forte. Voilà, je m'arrête là. Je passe à mon voisin. Super. Est-ce qu'il y a des réactions là, sur ce premier thème de la centralisation des données, la question de l'exhaustivité, qui est effectivement à la de faire assez centrale dans les justifications même du système A, ce rêve du grand bibliothèque universel de la discipline, etc. Ça va là ? Ouais. Alors, sur votre proposition de centralisation de chaque labo, c'est donner le problème. Pour être fermé, l'accès à ces données, s'il n'est pas d'accord avec la clé de HAL, sans doute, pour les labos, c'est quand même un risque de fermer l'accès à HAL, sachant que HAL, c'est quand même devenu une des plateformes de visibilité nationale pour la littérature publique. Il y a plein de littérature qui parle que l'open access, au contraire, de laisser partir en open access, ça fait qu'il est plus lu, il circule davantage. Car là, beaucoup, l'accès à HAL, c'est pas vraiment lourd, enfin, des bibliothèques. Mais ça n'empêcherait pas lui-même de faire de l'open access sur sa propre plateforme, qui serait identique finalement à celle de HAL en termes d'interface, par exemple. Et parce que ce dont je parle, c'est une interface qui est celle qui est chez HAL, par exemple, pour la consultation des titres, mais c'est ouvert. chaque agro pourra avoir sa propre interface là-dessus. Alors quand on va chez HAL, on pourra avoir cette fédération de toutes les données chez HAL, de toutes les consultations, tous les articles, etc. Et chaque agro pourra avoir son propre petit HAL, en quelque sorte, et pas forcément seulement perso, parce qu'il pourrait avoir les données qui viennent aussi d'un labo ami, d'un, voilà, de réseau de chercheurs, ou peut-être plus restreint dans un labo. Et rien n'empêcherait de toute façon conserver l'accès libre sur ces articles. Hein. Il ne s'agit pas de dire, on peut prendre un autre cas, quoi, n'importe quelle plateforme qui ouvre demain et qui propose de donner un accès aux articles et de faire de la fouille de données en accès libre, parce que bon, HAL, il y a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a demain, qu'est-ce qu'il y a dans 10 ans, je ne sais pas. Mais simplement de le concevoir sur un mode décentralisé, sur un mode de transmission des données décentralisées. Mais ça ne veut pas dire en sortir nécessairement ou arrêter de faire de l'accès libre. C'est faire de l'accès libre ailleurs, peut-être. Parce que il peut y avoir une plateforme, par exemple, je ne sais pas moi, allemande, demain, d'accès aux articles décentralisés en accès libre. Un labo français peut très bien aller publier en accès libre et chez HAL et chez. Sur une autre plateforme, qui peut être étrangère ou qui peut être française, et garder de toute façon des conserver, parce que là, la politique d'usage des données l'intéressera plus, et garde sa publication d'accès ailleurs. Il y a une notion à introduire dans le débat qui n'est pas dans le titre de la séance, mais un peu dans l'exposé, c'est la différenciation entre sciences humaines et sociales et les sciences de la technique et de la matière, qui est quand même très importante. Et là, sur HAL, hein, ce que vous disiez en matière de visibilité, fonctionne bien sur les SDM. Et très, très peu sur les SHS aujourd'hui. Après, pourquoi ça a fait l'avenir, hein. Mais au jour d'aujourd'hui, effectivement, pour les chercheurs à SHS, d'abord, la proportion de dépôts SHS est très faible par rapport au SDM. On sent une résistance forte, en fait, dans les SHS face à ce système. Et pour des raisons qu'on va voir apparaître dans la discussion, qui sont aussi liées à l'évaluation de la maîtrise managériale. Hein. Sur lesquels les SHS sont lutés beaucoup plus que les STM. Et aujourd'hui, si on examine les sections du Conseil national des universités, par exemple, pratiquement toutes les sections du SHS du CNE refusent l'évaluation, le système d'évaluation pluriannuelle, alors que les sections de STM, pratiquement toutes acceptent. La différenciation est objective. C'est un certain d'autres aspects à voir réapparaître une différenciation. Alors, il y avait une autre question. Couper l'accès à son serveur n'a de sens que si le système est centralisé. Si les données ne sont pas stockées sur des certains endroits. Si, parce que comme c'est vous qui avez l'autorité, alors d'ailleurs les données d'un labo de X peuvent être données par une autre instance. C'est quand même vous qui avez l'autorité sur les données et qui pouvez décider que ces données-là sont supprimées, la provenance de ces données-là est supprimée partout. Parce qu'effectivement, sinon, effectivement, s'il y a eu des clones à droite à gauche et que ces clones continuent de pousser vers HAL, effectivement, vous avez coupé vous de votre côté. Mais le truc, c'est que même si alors, à la rigueur, ça a donc été cloné et que vous coupez les données à votre labo, de toute façon, vous induisez une mesure partielle du coup des données, des usages, etc. Donc déjà vous faites un petit peu basculer ces mesures d'usage, parce que tout à coup il manque une branche. Quelle est l'importance de cette branche pour effectivement extrapoler, utiliser les données, c'est à voir. A priori, si un labo dans son réseau dit moi je coupe l'accès à mes données à HAL ou à n'importe quelle autre, imaginons n'importe quelle autre plateforme hein, d'accès, enfin de consultation, etc. Évidemment, il faut un système où il y a une forme de solidarité, pas de. Ou une contrainte technique, d'une façon ou d'une autre, ou une solidarité sociale, je dirais, entre labos, groupes de recherche, etc., qui disent bon, bah, si un tel ne publie plus ses données, on ne va pas nous les relayer. Ouais. Mais effectivement, c'est un modèle à complètement penser. Ce que je vous présente là, c'est un. Oui, c'est un. C'est même pas un prototype, c'est un schéma d'idées. Et effectivement, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent, qui vont mettre en place. Mais je pense que techniquement, déjà, on peut. Parce que quelqu'un aura cloné des données, Mais les nouvelles données, ça, si vous ne permettez plus de les cloner, vous, vraiment vous induisez un hiatus là, dans la mesure des données, et ça devient compliqué, de toute façon. Mais c'est à raffiner, c'est sûr, comme modèle. Sur la centralisation des données, l'activité, à d'autres remarques pour le moment. Peut-être juste une question sur le DOI, parce que vous avez dit rapidement que pour vous, le DOI, c'était actuellement un facteur de centralisation. Ouais. Alors c'est un peu technique parce que les DOI, c'est un registre. C'est-à-dire que quand vous enregistrez, vous êtes, je sais pas, tel éditeur, vous enregistrez un DOI pour un article. Ce DOI vous est associé à vous, éditeur, vous êtes associé, d'accord ? Et ce DOI doit renvoyer vers le protocole DOI, va ensuite vous permettre de renvoyer vers un lien, vers une localisation de la courbe. En fait, c'est un registre qui est maintenu, c'est-à-dire que si ce texte est hébergé ici, ici, ici et ici, il faut que dans le registre DOI, vous alliez écrire telle URL, telle URL, telle URL, telle URL. Qui est évidemment un travail compliqué, parce que ça vous demande de savoir effectivement où est publié l'article, et de maintenir ce registre pour que dans le registre DOI, il y ait toutes les URL Donc, de fait, les propriétaires de DOI, et surtout les propriétaires de très nombreux DOI, donc les plateformes, les grandes plateformes de diffusion de textes, et notamment des textes en open access, parce que, non, open access ou pas, ont tout intérêt à ce que ça soit publié à un seul endroit, et qu'il n'ait pas à corriger ces registres régulièrement. Parce que les DOI demandent à ce que, si un article est hébergé à telle URL, si l'hébergement tombe, vous êtes tenu d'aller le corriger dans le registre. Donc vous voyez un petit peu, le travail de maintenance en fait quelque chose de très centralisateur. Il vaut mieux qu'une publication soit à un endroit et à un autre. Et d'ailleurs, vous verrez que le Cléo recommande que ça ne soit publié que chez eux, pour que le DOI les ramène et soit sûr de ne pas être trompu. Et il y a de fait une énorme centralisation du SAP. Voilà.